إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé l'explication de Sourate Al-Dhariyat, qui a été traduite par « ceux qui éparpillent ». Qui éparpille ? Qui éparpille ? Les vents. Dhariyati dharwa, les vents. On s'est arrêté au verset 23 que l'on avait expliqué. On entame aujourd'hui, inshallah ta'ala, à partir du verset 24. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 24 à 37 de Sourate Al-Dhariyat: T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix, salam !» Il leur dit « Salam, visiteur inconnu !» Puis il alla discrètement auprès de sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il l'approcha d'eux « Ne mangez-vous pas » dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur !» et lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit « Une vieille femme stérile !» Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » Alors Ibrahim dit « Quelle est donc votre mission, ô envoyé ?» Ils dirent « Nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des transgresseurs. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. » قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه في صورة أضياف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما مجيبا لهم سلام أي عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون فأحب أن تعرفوني بأنفسكم ولم يعرفهم إلا بعد ذلك ولهذا راغ إلى أهله أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل فقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة حين رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف وأخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة فصكت وجهها، وهذا من جنس ما يجري من النساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة. وقالت عجوز عقيم أي أنى للولد، وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلذ معه النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح رحم للولادة أصلا. فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا كذلك قال ربك أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب في قدرة الله تعالى، إنه هو الحكيم العليم أي الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علما، فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته. Donc le Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala dit, c'est-à-dire, n'était-il pas venu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim, ainsi que les informations étranges et étonnantes les concernant? Ce sont des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés afin d'exterminer le peuple de Lot. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de passer par Ibrahim. Ils sont alors venus rendre visite au prophète d'Allah Ibrahim sous l'apparence d'invités. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Quand ils entrèrent chez lui, ils dirent salam, salut à toi. Et lui leur a dit salam, c'est-à-dire alaykum, qawm munkarun, visiteur inconnu. C'est-à-dire que je ne vous connais pas et j'aimerais que vous me dites qui vous êtes. Il n'a su qui ils étaient qu'après que ces anges aient donné ces informations à Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela qu'il alla discrètement, auprès de sa famille. Il est parti rapidement et de façon discrète auprès de sa famille afin de préparer le repas que l'on sert aux invités. فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Puis, peu de temps après, Ibrahim alayhi salam revint avec un veau gras et il l'approcha d'eux. C'est-à-dire qu'il leur a présenté ce veau gras afin qu'ils en mangent. فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Puis il leur a dit, ne mangez-vous donc pas? Il ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ibrahim alayhi salam ressentit de la peur vis-à-vis de ses invités lorsqu'il a vu que leurs mains n'atteignaient pas le repas qu'il venait de leur présenter. Et cela est étrange lorsque des invités viennent à toi et que tu leur sers un veau gras, le veau qui est une viande noble, et que les invités ne tendent pas leurs mains vers ce repas, cela peut amener à ce que la personne se pose des questions et qu'elle soit prise de peur à l'égard de ces personnes. قَالُوا لَا تَخَفْ. Ils lui ont dit, n'aie pas peur. Puis, ont informé Ibrahim alayhi salam de la raison pour laquelle ils sont venus. Et lui ont annoncé la naissance d'un garçon plein de savoir, qui est Ishaq alayhi salam. Et lorsque la femme d'Ibrahim alayhi salam, Sarah, a entendu cette bonne nouvelle, elle s'avança, étant pleine de joie et heureuse, fi sarratin, en criant, fasakkat wajhaha, et en se frappant le visage. Et ceci est ce que font les femmes lorsqu'elles sont extrêmement heureuses. Elles élèvent la voix et émanent d'elles des paroles et des gestes qui ne sont pas habituels. وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Et elle dit, une vieille femme stérile, c'est-à-dire, comment puis-je avoir un enfant alors que je suis une vieille femme? Et l'âge que j'ai atteint est un âge dans lequel les femmes ne peuvent avoir d'enfants. Et certains m'ont fasciné et ont dit que Sarah avait à cette époque 92 ans. Certains m'ont fasciné et ont dit qu'elle avait 92 ans. فَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Elle dit, une vieille femme stérile, en plus de la vieillesse de son âge, elle était en plus stérile, c'est-à-dire que son utérus, à la base, ne lui permet pas d'avoir des enfants. Ce sont donc deux obstacles qui, normalement, empêchent Sarah d'avoir un enfant. Et l'une de ces deux raisons suffit à elle seule pour ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et Cheikh Oussaidi dit qu'elle a cité une troisième raison ou un troisième empêchement que Allah Azza wa Jal cite dans Sourate Hud lorsque elle dit wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib. Et mon mari que voici est un vieillard, c'est là vraiment une chose étrange. Donc, trois choses s'opposaient au fait que Sarah puisse avoir un enfant. Son âge avancé, le fait qu'elle soit à la base stérile et le fait également que son mari Ibrahim alayhi salam était âgé également. قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ. Ils ont dit, c'est ainsi qu'a dit ton Seigneur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela et l'a prédestiné. Il n'y a donc aucune chose étonnante lorsqu'il s'agit du pouvoir et de la capacité illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa al-hakim al-alim. C'est lui le sage, l'omniscient, celui qui place chaque chose à son endroit approprié. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui embrasse toute chose par sa science. Ainsi, soumettez-vous à son jugement et soyez reconnaissants à son égard de par ce bienfait qu'il vous a accordé. قال لهم إبراهيم عليه السلام فما خطبكم أيها المرسلون الآيات أي ما شأنكم وما تريدون لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط قد أجرموا أشركوا بالله وكذبوا رسولهم وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أي معلمة على كل حجر منها سمة صاحبه لأنه مسرف وتجاوز الحد فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب فقال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدوقون. Puis Ibrahim alayhi salam leur a dit: quelle est donc votre mission, ô envoyé? C'est-à-dire, que voulez-vous? Et pourquoi êtes-vous venu? Car Ibrahim alayhi salam a senti que c'était des envoyés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour accomplir une mission importante. Ils ont dit: nous avons été envoyés vers les gens criminels, que sont le peuple de Lot. Ils ont outrepassé les limites, ils ont associé avec Allah autre que lui, ils ont traité de menteur le prophète Lot alayhi salam qui leur a été envoyé, et ils ont commis cette chose immonde et ignoble auquel personne avant eux ne les avait précédés. Le fait que des hommes aient des rapports entre eux. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. Pour lancer sur eux des pierres de glaise marquées auprès de ton Seigneur à l'attention des transgresseurs. C'est-à-dire que ces pierres qui tombaient sur eux avaient des signes, avaient des particularités. Sur chacune de ces pierres, il y avait le nom de son destinataire, car ils ont outrepassé les limites. Car ils ont outrepassé les limites, et Ibrahim alayhi salam se mit à discuter avec les anges en faveur du peuple de Lot et essaya de trouver avec eux un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala pourrait lever et ôter sur eux le châtiment qui allait s'abattre. Allah azza wa jalla dit dans sourate Hud: Ya Ibrahim, a'rid an hadha. Ô Ibrahim, renonce à cela. C'est-à-dire renonce à discuter et à essayer de trouver une solution en faveur de ton peuple. Ya Ibrahim, au sujet du peuple de Lot. Ya Ibrahim, a'rid an hadha. Ô Ibrahim, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu et un châtiment irrévocable va leur arriver. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants. Ce qu'il y avait comme croyants parmi le peuple de Lot. Mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, qui était la maison de Lot, alayhi salam, à l'exception de sa femme qui faisait partie de ceux qui allaient subir le châtiment et ceux qui allaient périr. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Un signe à travers lequel les gens méditeront. Un signe à travers lequel les gens sauront que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est dur et que ses prophètes étaient des véridiques. Il y a beaucoup de paroles des savants sur quel est ce signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé dans cet endroit où a été exterminé le peuple de Lot. Et certains mufassirin ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé à leur place une sorte de lac ou une petite mer dont l'eau et mauvaise et répugnante, afin que cela soit un moyen de réflexion et un moyen de méditation pour les croyants. Il a été dit que cet endroit est la mer morte. Que cet endroit est la mer morte. La mer morte qui est l'endroit le plus bas sur terre. L'endroit le plus bas sur terre est la mer morte. Elle est à peu près 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée la mer morte ? Pourquoi ? Parce que c'est une eau extrêmement salée. Et pour donner un exemple ou une comparaison, le taux de sel dans la mer et les océans varie entre 2%, 2,5% et 4%. L'eau de la mer morte, son taux de sel est de 27%. 27%, c'est-à-dire que dans un litre d'eau, il y a 270 grammes de sel. Imaginez. C'est une eau dans laquelle aucun poisson ne peut vivre. Aucune algue ne peut vivre également. Et c'est une eau dans laquelle on n'a pas besoin de nager. Elle est tellement salée que le corps flotte. Le corps flotte lorsque l'on plonge dans cette mer morte. Et donc certains Mufassirin ont dit que c'est cet endroit, c'est cette mer qu'Allah Azzawajal a laissé comme signe pour que les croyants méditent et raisonnent sur la finalité qu'ont connue le peuple de Lot et un signe pour prouver la véracité des prophètes d'Allah alayhim salam. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فصل في بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام. Puis le Cheikh Saadi rahimahullah fait une parenthèse pour citer les différentes morales et leçons tirées de cette histoire d'Ibrahim alayhi salam dans sourate Az-Zariyat. L'histoire d'Ibrahim avec ses hôtes. منها أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار ليعتبروا بحالهم وأين وصلت بهم الأحوال ومنها فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. Il dit رحمه الله, on retient de cette histoire la sagesse d'Allah سبحانه وتعالى. Car Allah Azzawajal nous raconte les histoires des personnes vertueuses comme des personnes mauvaises et désobéissantes à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que le croyant prenne connaissance de la situation de chacun ou de chacune des deux catégories. La destination finale de ceux qui adorent Allah Azzawajal et la destination finale de ceux qui lui désobéissent et ceux qui lui associent autre que lui, Azza wa Jal. Également, de cette histoire, on retient le mérite de Ibrahim, alayhi salam. Car Allah, Azza wa Jal, a commencé par citer l'histoire d'Ibrahim, puis l'histoire de Lot, alayhi salam. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله هذا النبي وأمته أن يتبعوا ملته وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء. Également, de cette histoire, on retient qu'il est légiféré d'honorer ses invités et que cela fait partie des sunan d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, auquel Allah Azza wa Jal nous ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté de suivre la religion d'Ibrahim. « Wattabi' millata Ibrahima, wattabi'u millata Ibrahima hanifa. Allah Azza wa Jalla nous ordonne de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla a cité cette histoire afin de faire les éloges de Ibrahim alayhi salam. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أي أكرمهم إبراهيم ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا ومكرمون أيضا عند الله تعالى. Également que l'invité doit être honoré de plusieurs façons. On doit honorer l'invité par la parole et par les actes. Car Allah Azza wa Jal a caractérisé les invités d'Ibrahim comme étant honorables. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam les a honorés. Il les a honorés en les accueillant, en s'adressant avec eux de la meilleure des façons et en leur servant également un repas de qualité. Et également, ils sont honorables auprès d'Allah. Ils sont honorables auprès d'Allah Azza wa Jal. ومنها أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام فرد عليهم إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتم لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. Également que Ibrahim alayhi salam, sa maison était un refuge pour les passants et les voyageurs. Car ces hommes, qui en réalité sont des anges sous l'apparence humaine, sont rentrés dans la maison d'Ibrahim sans demander l'autorisation d'entrer. Ce qui prouve que la maison d'Ibrahim était connue pour être un refuge pour celui qui passait vers là-bas. Ils n'ont pas demandé l'autorisation d'entrer, mais ils ont usé du bon comportement, à savoir de commencer par saluer. Et Ibrahim alayhi salam leur a rendu le salam de façon plus complète que le salam qu'il a reçu, en disant « Salamun ». Salamun qawmun munkarun. Et ici, Ibrahim alayhi salam leur a répondu par une phrase nominale, salamun. Et la phrase nominale en arabe, parmi ses sens ou les sens qu'elle renferme ou qu'elle prouve, c'est la fermeté et la durabilité. Autrement dit, lorsque Ibrahim alayhi salam leur a dit salam, cela a le sens d'un salam ferme et d'un salam durable. D'un salam ferme et d'un salam durable. ومنها مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال لأن في ذلك فوائد كثيرة. Également de cette histoire, on retient qu'il est légiféré de savoir et de connaître les personnes qui viennent à toi, ou les personnes avec qui tu as maintenant une relation, car il y a dans cela de nombreux bénéfices. Beaucoup de personnes se connaissent sans se connaître. Elles se côtoient souvent ou de temps en temps sans savoir qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Et le fait de connaître une personne, de savoir son nom, de savoir d'où elle vient, de savoir son vécu, de savoir ce qu'elle fait dans la vie, de connaître ses particularités, cela a des bénéfices qui sont innombrables. Également, وَمِنْهَا أَدَبُ إِبْرَاهِيمُ وَلُطْفُهُ فِي الْكَلَامِ حَيْثُ قَالَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ وَلَمْ يَقُلْ أَنْكَرْتُكُمْ وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنَ الْفَرْقِ مَا لَا يَخْفَى. Également, le comportement d'Ibrahim ainsi que sa douceur dans la parole. Lorsqu'il a dit « قَوْمٌ مُنْكَرُونَ » aux gens inconnus. Et Ibrahim a.s. ne leur a pas dit « je ne vous connais pas ». Et il y a une différence entre dire à quelqu'un, à des personnes, aux gens inconnus et « je ne vous connais pas ». Une personne qui rentre chez toi et tu lui dis je ne te connais pas, il risque de mal le prendre et cela n'est pas convenable. Ainsi, Ibrahim alayhi salam s'est adressé à eux de façon douce. وَمِنْهَا الْمُبَادَرَةُ إِلَى الضِّيَافَةِ وَالْإِسْرَاعِ بِهَا لِأَنَّ خَيْرَ الْبِرِّ عَاجِلُهُ وَلِهَذَا بَادَرَ إِبْرَاهِيمُ بِإِحْضَارِ قِيرَ الضِّيَافِ. Également, on retient de cette histoire le fait de s'empresser à accueillir ses invités, car le meilleur des biens et la meilleure des bontés est celle qui est faite de façon précipitée. Pour cela qu'Ibrahim alayhi salam s'est précipité à préparer le repas à ses invités. ومنها أن الذبيحة الحاضرة التي أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة بل ذلك من الإكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. Également, on retient de cela le fait que une bête sacrifiée qui a été sacrifiée dans le but de qui a été sacrifiée pour un but autre que de le servir pour les invités, que lorsque l'on présente cette bête à des invités, cela n'est pas un manque de respect. Car Allah Azza wa Jal a décrit les invités de Ibrahim comme étant honorables. Ce que veut dire ici Cheikh Saïd rahimahullah, c'est que le veau avait déjà été tué. Il avait déjà été tué. Il avait peut-être été tué pour d'autres personnes. Quand on dit pour d'autres personnes, c'est-à-dire pour nourrir d'autres personnes. Et le fait que Ibrahim alayhi salam serve à ses invités une bête qui, à la base, n'avait pas été égorgée pour les nourrir, cela n'est pas un manque de respect. Car Allah Azza wa Jal a qualifié les invités d'Ibrahim comme étant honorables. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam les a honorés. وَمِنْهَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمِ مِنَ الْكَرَمِ الْكَثِيرِ وَكَوْنُ ذَلِكَ حَاضِرًا عِنْدَهِ وفي بيته معدة لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران ولا غير ذلك. Également, on retient de cette histoire les bienfaits dont Allah Azza wa Jal a comblé Ibrahim alayhi salam. Le fait que tout était présent chez Ibrahim. Car Ibrahim alayhi salam est parti de façon discrète et a préparé le veau. Et l'a servi. Donc, tout ce qu'il était nécessaire pour préparer ce repas était présent chez Ibrahim alayhi salam. Il n'avait pas besoin d'aller au magasin pour acheter tel et tel condiment ou tel et tel ingrédient. Il n'avait pas besoin d'aller frapper à la porte des voisins pour demander telle ou telle chose qui lui manquerait pour terminer de préparer ce repas. Non, tout était présent dans la maison de Ibrahim alayhi salam. Et cela prouve qu'Allah Azza wa Jal l'a comblé de nombreux bienfaits. ومنها أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه وهو خليل الرحمن وكبير من ضيف الضيفان. Également, Ibrahim عليه السلام, c'est lui qui était au service de ses invités, alors que c'est l'ami intime du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et grand est celui qui s'occupe grand est celui qui s'occupe lui-même de ses invités. Grande est sa place, grand est son statut et son rang, celui qui est au service directement de ses invités. ومنها أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه ولم يجعله في موضعه ولم يجعله في موضع ويقول لهم تفضلوا أو ائتوا إليه لأن هذا أيسر عليهم وأحسن. سبحان الله، دي فوائد كي نتخافيرس لسبري دو بيرسون سوف لي سافون. Le fait que Ibrahim alayhi salam leur a servi le repas, il a amené le repas là où les invités se trouvaient. Et n'a pas placé le repas dans une autre pièce, par exemple, et a dit à ses invités, venez, je vous en prie, rendez-vous dans telle et telle pièce afin de manger le repas. Non, car ce qui est plus simple pour l'invité, c'est de manger là où il est assis. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Allah Azza wa Jalla dit فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Ibrahim alayhi salam a apporté le veau directement devant les invités. وَمِنْهَا حُسْنُ مُلَاطَفَةِ الضَّيْفِ فِي الْكَلَامِ اللَّيِّنِ خُصُوصًا عِنْدَ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ إِلَيْهِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ عَرْضًا لَطِيفًا وَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ وَلَمْ يَقُلْ كُلُوا ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال كقوله لأضيافه ألا تأكلون أو ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا ونحوه. également la façon douce avec laquelle s'est adressé Ibrahim alayhi salam à ses invités, notamment lorsqu'il leur a présenté la nourriture. Ibrahim alayhi salam leur a demandé de manger d'une façon où il expose et non pas sous la forme d'un ordre. Il leur a dit « Ala ta'kouloun » « Ne mangez-vous pas ?» Il n'a pas dit « manger ». Il n'a pas dit « manger ». Ou toute autre formule dont le mieux est de les délaisser. Ibrahim alayhi salam a donc dit « ne mangez-vous pas ?» Il est donc demandé à celui qui prend comme exemple Ibrahim alayhi salam d'utiliser des bonnes formules qui coïncident avec la situation et de parler de façon douce à ses invités en leur disant « ne mangez-vous pas » ou en leur disant « avancez-vous » ou « mangez afin de nous honorer, honorez-nous en mangeant et soyez bienfaisants envers nous » en mangeant, d'utiliser des phrases et des formules qui sont pleines de respect et de douceur. ومنها أن من خاف من الإنسان لسبب من الأسباب فإن عليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم لا تخف وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. Également, que celui qui a peur d'une personne, pour une raison ou une autre, qu'il est demandé de dissiper de cette personne la peur et de citer à cette personne ce qui pourrait la rassurer. Comme les anges ont dit à Ibrahim, lorsque Ibrahim alayhi salam a été pris de peur à leur égard, ils lui ont dit « La takhaf, n'aie pas peur » et lui ont annoncé cette bonne nouvelle et cette heureuse nouvelle après que Ibrahim alayhi salam ait eu peur d'eux. وَمِنْهَا شِدَّةُ فَرَحِ سَارَ إِمْرَأَةِ إِبْرَاهِيمِ حَتَّى جَرَى مِنْهَا مَا جَرَى مِنْ صَكِّ وَجْهِهَا وَصَرَّتِهَا غَيْرِ الْمَعْهُودَةِ. Également, la grande joie qu'avait Sarah, la femme d'Ibrahim, alayhi salam, au point qu'elle se frappa le visage et qu'elle cria de façon inhabituelle. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. Également, ce qu'Allah Azza wa Jal a fait don à Ibrahim et à son épouse Sarah en leur annonçant la bonne nouvelle d'un enfant plein de science. ثم قال تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Puis Allah Azza wa Jal dit, si on le sens dans les versets 37 à 40 de Surat al-Dhariyat, 38 à 40 à fin de Surat al-Dhariyat. Et il y a même un signe en Moussa quand nous l'envoyâmes avec une preuve évidente vers Pharaon, mais celui-ci se détourna, confiant en sa puissance, et dit « C'est un magicien ou un possédé ». Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis les jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. أي وفي موسى وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم فلما أتى موسى بذلك السلطان المبين فتولى فرعون بركنه أي أعرض بجانبه عن الحق ولم يلتفت إليه وقدح فيه أعظم القدح فقالوا ساحر أو مجنون أي إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرا وما أتى به شعبذة ليس من الحق في شيء وإما أن يكون مجنونا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله هذا وقد علموا خصوصا فرعون أن موسى صادق كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم أي مذنب طاغ عات على الله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. C'est-à-dire, et en Moussa, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait envoyé à Pharaon ainsi que ses troupes accompagnés de signes évidents et de miracles apparents. Il y a dans le fait qu'Allah azza wa jalla ait envoyé Moussa à Pharaon des signes pour ceux qui redoutent le châtiment douloureux. Lorsque Moussa alayhi salam a apporté ses preuves évidentes, Pharaon se détourna. Il se détourna de la vérité et ne prêta pas attention à Moussa alayhi salam et aux signes qu'il apportait avec lui. Au contraire, il l'a dénigré et a parlé en mal de lui de façon grossière. Ils ont dit « Sahirun aw majnun » c'est un magicien ou un possédé. C'est-à-dire que Moussa est soit un sorcier et ce qu'il apporte avec lui n'est qu'un tour de passe-passe qui n'est en rien la vérité. Ou soit alors Moussa est un possédé et ainsi il n'est pas responsable de ce qu'il dit car il n'a plus de raison. Ceci alors qu'il savait pertinemment et de façon précise et particulière, Pharaon savait que Moussa alayhi salam était véridique. Comme Allah azza wa jalla nous le dit dans Sourate An-Naml, le verset 14, ils nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Et Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Isra, le verset 102, وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا أُولَٰئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ. Lorsque Moussa alayhi salam s'est adressé directement à Pharaon, lorsqu'il lui a dit, tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Nous le saisissâmes, c'est-à-dire Pharaon, ainsi que ses troupes, puis les jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. C'est-à-dire le fait que Pharaon ait outrepassé, le fait qu'il ait désobéi à son Seigneur, Allah Azza wa Jal le saisit alors d'une façon forte et violente. ثم قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Il dit عز وجل sur le sens, de même pour les Ad, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage, en réduisant tout en poussière. أي وفي عاد القبيلة المعروفة آية عظيمة إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم آية التي لا خير فيها حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالرميم البالية فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم دليل على كمال قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء المنتقم ممن عصاه. C'est-à-dire, de même pour les Ad, le peuple connu, il y avait en eux un signe immense lorsqu'Allah Azza wa Jal envoya contre eux le vent dévastateur, un vent qui ne contient aucun bien. Allah Azza wa Jal a envoyé sur eux ce vent dévastateur lorsqu'ils ont traité de menteurs leur prophète Hud alayhi salam. Ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim. Ce vent n'épargnant rien sur son passage et réduisant tout en poussière. Tout ce qui se trouvait sur le passage de ce vent dévastateur envoyé par Allah Azza wa Jal était réduit en poussière. Ainsi, celui qui a détruit et celui qui a exterminé le peuple de Ad, malgré leur force, malgré leur puissance, est une preuve de sa force absolue. Rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala punit celui qui lui désobéit. ثم قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. الله عز وجل dit dans les versets 43-45 sont le sens. De même pour les Thamoud, quand il leur fut dit « Jouissez jusqu'à un certain temps », ils défièrent le commandement de leur Seigneur. Le cri les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se mettre debout, ni être secourus. « Aywa fi Thamouda ayatun azimah, hina arsalallahu ilayhim salihan alayhi salam, fakadzabuhu wa anaduh. » وبعث الله له الناقة آية مبصرة فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا فقيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة أي الصيحة العظيمة المهلكة وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم فما استطاعوا من قيام ينجون به من العذاب وما كانوا منتصرين لأنفسهم. De même pour les Thamoud, Il y a en eux un signe immense. Lorsqu'Allah Azzawajal leur a envoyé Salih alayhi salam, ils l'ont traité de menteur et l'ont contredit dans son appel. Allah Azzawajal a envoyé un miracle visible qui était là, la chamelle. Et cela n'a fait qu'augmenter leur désobéissance et leur répulsion. Il a été dit, Tamatta'u hatta hin, profitez un certain temps. Ils défièrent le commandement de leur Seigneur. Le cri, c'est-à-dire l'immense cri destructeur, les saisit alors, وَهُمْ يَنْظُرُونَ, alors qu'ils regardaient leur châtiment de leurs propres yeux. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ, ils ne purent ni se mettre debout pour se sauver de ce châtiment, et ils n'ont pu être secourus. ثم قال تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Dans le verset 46, Allah Azza wa Jalla dit son le sens de même pour le peuple de Nuh auparavant. Ils étaient des gens pervers. أي وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحا عليه السلام وفسقوا عن أمر الله فأرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء المنهمر فأغرقهم الله تعالى عن آخرهم ولم يبق من الكافرين ديارا وهذه عادة الله وسنته في من عصاه. C'est-à-dire également il y a un signe dans ce qu'Allah Azzawajal a fait concernant le peuple de Nuh. Lorsqu'ils ont traité de menteur Nuh alayhi salam, et lorsqu'ils se sont détournés et ont désobéi aux ordres d'Allah, Allah Azzawajal envoya sur eux du ciel et de la terre une eau torrentielle. L'eau est tombée du ciel et est sorti de la terre. Allah Azzawajal envoya sur eux du ciel et de la terre une eau torrentielle qui les a tous noyés. Et Allah Azzawajal ne laissa sur terre aucun infidèle. Et ceci est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ceux qui lui désobéissent. ونكتفي بهذا القدر.